Buster, c'est pour toute la thèse, tout le monde. Buster, c'est la famille, gros. Mec de Buster, je reste un mec de Buster. Fais tourner dans ma thèse, fais tourner dans nos caisses. FIK à 2S qui arrive et qui blesse, tout ce qui blesse. C'est pour les mecs de Buster, les meufs de Buster, les sorniasses de Buster, les mecs qui se passent. Un truc où je laisse mon cœur parler. Stir pas, si t'es pas là, écoute pas, faut remballer. Numéro 1 sur Blancox, c'est nous, ce n'est pas nous. Bien sûr qu'ils font conneries, ils font les fous, mais rien qui parle. Tout en salle, ramène ton équipe, on l'applique, on s'applique. Tu transpires et tu te noies comme autrefois à Chablis. Par ici, on confond le taxi, il y a 3, 4, 6, man. On met pas de slim, ah, on travaille comme Slimane. Y'a plus de meurs que de poids dans une beubar. Nous tester, tu peux, à court de speed, passe par le pass. T'as même plus Falaise ou Ferry pour nous éduquer. Mes frérots vivent trop bien. Tu crois que le gun est truqué? Tranquille pour faire les courses ou apprendre à voler. Y'a la soule ou le dos d'un devant chez moi pour t'affoler. J'suis sur la place du forum, prends quelques 06. On passe voir Gibril, Pépère, je t'offre l'oasis. Si t'es de la thèse, le son te donne le sourire. On va percer, on a le pass, les portes vont s'ouvrir. Je représente, pas question d'être pourri. Force les jaloux et jalouses, ils ont qu'à souffrir. Fais tourner dans ma thèse, fais tourner dans nos caisses. FIK à 2S qui arrive et qui blesse nos systèmes. C'est pour les mecs de Buster, les meufs de Buster, les orniasses de Buster et même les chips de Buster. Faire les fous sur internet, ça nous dit rien. Montrer des armes bidons, faire genre ça tire, hein. La vérité les fait grimacer comme du piment. Passe par Coudray, tu crois que t'arrives à la gare plus rapidement. Tu passes devant, tu fais genre mais on te connaît. J'ai poussé toute la nuit confiant, je vais à la piscine d'Aulnay. Ça va trop par ici, on kiffe à mort, t'es fou. Si Naoui n'avait pas de couteau, j'aurais toutes mes boîtes de fou. On veut baiser l'état comme le G-Mac d'ailleurs. On voit les meufs de la tête serrer des mecs d'ailleurs. Ils font les canards avec certaines, mais s'ils savaient, une go t'a fait beaucoup, tu sais très bien ce que ça fait. Pour ma cité est beaucoup plus qu'une meuf jolie. Big up au CNRV, carache une queue folie. J'adresse au titre de la thèse, faites pas n'importe quoi. Votre génération est dingue, ça parle de flingue et de boîte. Fais tourner dans ma thèse, fais tourner dans nos caisses. FIK à 2S qui arrive et qui blesse le succès. C'est pour les mecs de Buster, les meufs de Buster, les orniasses de Buster et même les titres de Buster. Fais tourner dans ma thèse, fais tourner dans nos caisses. FIK à 2S arrivé qui baisse le succès. C'est pour les mecs de Buster, les meufs de Buster, les orniasses de Buster et même les titres de Buster. Ça c'est pour tous les mecs de Buster. Tous les rappeurs de Buster. Arces, Sokov, Metsus. Je veux le foot, je veux le peurage, je veux tout ça. Pour la cale. Big up à mon Cléon VR.